بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل قراءتنا في كتاب صفة الصلاة، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد. Donc on va continuer, inshallah, les frères, sur l'explication du livre, la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la fois dernière, on s'était arrêté sur le célèbre hadith Musi Salatahu, le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Comme on avait relaté le hadith, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, Fizawiyatil Masjid, فدخل رجل، et un homme est rentré dans la mosquée. فصلى ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فانك لم تصلي فقال عليك السلام فارجع فانك لم تصلي. Et donc lorsque l'homme ensuite est revenu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit le salut de l'islam, السلام عليك يا رسول الله. Le prophète ensemble lui a dit وعليك السلام, que le salut, la paix soit sur toi. Et ensuite il a dit repars prier car tu n'as pas prié. Donc dans la dernière assise, on a parlé de ce récit, hadith Musi as-salah. Donc il a été nommé ensuite ce hadith là, il a été appelé comme ça. Comme on a dit, les savants du hadith parfois ont nommé certains hadiths ont été appelés et nommé par des appellations. Comme le célèbre hadith de Jibril, alayhi salam. Lama ja'a Jibril, ala hay'ati rajul, lorsque Jibril est venu à l'apparence d'un homme, et interrogea le prophète, sallallahu alayhi salam, au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, au sujet de l'ihsan, on appelle ça le hadith de Jibril. Donc certains hadiths ensuite ont eu des appellations. En l'occurrence, on avait dit que ce hadith est appelé hadith Musi as-salah, le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Donc le hadith est rapporté par Abu Huraira, donc le compagnon qui rapporte cette histoire, parmi les compagnons qui rapportent cette histoire, Abu Huraira. Et dans une version du récit, قال أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc là, on a la version de Abu Huraira qui dit que un homme est entré à la mosquée alors que le prophète sallam était dans un coin de la mosquée. Il pria et le prophète sallam lui dit « Repars prier car tu n'as pas prié. » Et dans une version, comme c'est rapporté dans le recueil de Abi Daoud, فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. Dans la version ensuite de Abu Daoud, il est rapporté que l'homme ensuite, lorsqu'il a réitéré cela, ensuite, lorsqu'il revint et à plusieurs reprises le prophète ensemble lui a dit repars car tu n'as pas prié, l'homme ensuite dit au prophète والذي بعثك بالحق صلى الله عليه وسلم, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux que cela. Et lui dit fa'allimni, et l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi. Et là ensuite le récit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit idha qumta ila salati fa'asbir al-wudu thumma istaqbil al-qibla fakabbir waqra bima tayassara ma'aka min al-Qur'an. Et c'est là qu'ensuite qu'il a rapporté que le prophète ensemble lui dit « Lorsque tu te lèves pour accomplir la prière, alors fais bien asbiril wudu dans le sens accomplis parfaitement tes ablutions. Ensuite, oriente-toi le prophète Hassan lui dit vers le Qibla, fakabbir, tu dis Allahu Akbar, et ensuite récite ce qui t'est aisé de Coran. Thumma raka hatta tatma'inna raki'a. Ensuite, il est dit que le prophète ensuite lui a dit, ensuite incline-toi jusqu'à ce que tatma'in, tu sois apaisé. Il y a ce qu'on appelle yani tatma'in raki'an, tu sois bien en quelque sorte incliné, tu sois parfaitement incliné. Thumma rfa ra'saka hatta ta'tadil qa'iman. Ensuite le prophète le dit, relève ta tête jusqu'à ce que tu sois bien debout, bien debout. Dans cette description, cet enseignement que le prophète sallam fait à cet homme qui a demandé au prophète sallam de lui enseigner la prière. Ensuite le prophète lui dit, thumma sjud hatta tatma'inna sajida. Ensuite le prophète lui dit, prosterne-toi, après avoir mentionné le fait de se tenir debout après l'inclinaison, de se relever, de se tenir ensuite bien debout, le prophète lui dit, prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé, bien prosterné, bien prosterné. Ensuite le prophète lui dit, thumma rfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Ensuite, relève-toi jusqu'à ce qu'ensuite tu sois bien apaisé, assis, complètement et parfaitement. Ensuite, après l'assise, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Ensuite, le prophète lui dit, dans cette version-là du récit, et ensuite, reprosterne-toi jusqu'à ce que tu sois parfaitement prosterné. ثُمَّ رُفَى حَتَّ تَسْتَوِيَ قَائِمًا. Ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu sois parfaitement debout. ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Ensuite, le prophète lui dit, et fais cela dans toute ta prière. De là, les savants ont déduit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre après cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? On peut comprendre que donc, l'erreur du prieur, celui qui avait prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Repars prier car tu n'as pas prié », son erreur, c'était que pendant justement ces positions-là, que ce soit la position debout ou inclinée ou prosternée, il n'avait pas accompli cela avec perfection. Lam yasjud, il ne s'est pas prosterné hatta tatma'in, jusqu'à ce qu'il soit apaisé, complètement prosterné. Donc on comprend, après cet enseignement du prophète, que le prophète, lorsque l'homme dit « enseigne-moi », le prophète sallam va lui enseigner ce que l'homme ne sait pas. Donc si le prophète sallam lui enseigne cela, on voit que le khalal, donc la déficience, était dans cela, comme on déduit les grands savants. وفي رواية عند أبي داود فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وقد انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك وحديث مسير صلاة رواية الرفاعة. Donc on a la riwaya de Abu Huraira, comme on a dit, et on a aussi la riwaya de Rifa'a. An est la chaîne de transmission, c'est An Ali ibn Yahya ibn Khalad an ammihi anna rajulan dakhala al masjid fa dhakara nahwa hadith Abi Hurayra. Dans cette chaîne de transmission là, il est rapporté d'après un homme qui s'appelait Ali, qui rapporte d'après Yahya, Ali plutôt d'après Ali, qui était le fils de Yahya, fils de Khalad, D'après son oncle, son oncle paternel, du côté du père. An ammihi, du côté du père. Anna rajulan, d'après lui, dit qu'un homme est rentré dans la mosquée et il évoquait le hadith, comme on l'a mentionné, le hadith de Abu Huraira. Qala fihi fa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, sauf que dans cette version-là qu'on vient de mentionner, cette version-là, il dit, إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاتٌ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّى فَيَضَعَ الْوُضُوءُ. يعني مواضعة. Dans ce récit-là, il est mentionné que le prophète a dit إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاتٌ لِأَحَدِكُمْ, que la prière de l'un d'entre vous ne sera point complète et parfaite jusqu'à ce qu'il accomplisse les ablutions complètement. Et cela parfaitement. فَيَضَعَ الْوُضُوءُ, يعني مواضعه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et dans une autre version, et c'est ça que c'est très pertinent, parce que l'auteur, là, ce que je vous mentionne, c'est les recherches. Enfin, c'est ce qu'a mentionné Cheikh Al-Albani dans son livre, Sifat al-Salat. Donc ça, c'est un complément par rapport à la description de la prière qu'on prend de Cheikh Al-Athaymin. C'est un complément au niveau de ilm al-Hadith, la science du Hadith. Parce que malheureusement, beaucoup de gens n'étudient pas al-Nusus. Beaucoup de gens sont dans la spéculation, dans l'argumentation, dans le fait d'avancer des avis, dans toutes les questions, que ce soit dans le dogme, que ce soit fil aqida, que ce soit fil al-fiqh, dans la jurisprudence, beaucoup de gens parlent avec leur raison à eux, leur propre avis, leur opinion personnelle. Mais très peu reviennent réellement au texte avec la vérification des textes. Que ce soit du Coran, bien de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, à travers la lecture de textes, que ce soit des ayats, et des hadiths, ils pensent comprendre. Et certains même qui n'ont pas la maîtrise. Et ça, on a déjà discuté avec certains jeunes qui n'ont aucune maîtrise, aucun cursus, ils pensent même comprendre Shaitan, leur fait croire qu'ils pensent même comprendre que mieux que les érudits de notre nation, les grands ulamas de la nation. Et lui, il pense maîtriser les textes. Comment maîtriser si on n'a pas une maîtrise dans la langue arabe et on n'a pas les outils pour pouvoir comprendre le Coran? Le hadith qu'on a évoqué aujourd'hui, fi khutbatul jumu'ah, c'est un hadith immense. Comme il est rapporté, comme le rapporte l'imam Ahmed, le prophète sallam, il est rapporté qu'il dit halaku ummati, l'égarement de ma nation, halaku ummati fil kitabi wal laban. Fil kitabi wa al laban. L'égarement de ma nation se trouve dans le livre et al-laban. Had al-hadith azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, est-ce qu'on peut, l'égarement, al-halak, c'est le fait de périr. C'est le fait de périr. Est-ce que ça peut être dans le livre? Parce que al-kitab qui est dit, c'est le Coran. Al-Coran, c'est guidé. C'est guidé. Est-ce que, avec le livre, la personne peut être égarée? Non. Le Coran, c'est guidé. Sauf que, le prophète nous dit que l'égarement de la nation se trouve dans le livre, c'est-à-dire, le prophète ensuite va l'expliquer, il dit « يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله » Il récite le livre, le Coran, et l'interprète dans un sens non voulu par Allah Azza wa Jalla. Les versets n'ont pas été révélés pour cela. Et donc, celui donc qui va interpréter le Coran comme bon lui semble et donner un sens non voulu par le Créateur, subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'égarement et cause d'égarement. Et cause d'égarement. Donc comment la personne peut être sûre que sa compréhension des textes du Coran est bonne? Puisque chacun peut lire et chacun peut comprendre et interpréter à sa manière. Comment une personne peut être sûre que sa compréhension est bonne? Al-Rujou ila sunnah. Ahsant. Al-Rujou ila sunnah. Donc on a besoin ensuite de la tradition du prophète, sallam. Puisque le prophète, sallam, ensuite nous enseigne, nous clarifie l'essence du kitab, du Coran. Comment comprendre la sunna du prophète sallam à la fahm sahaba, selon la compréhension des compagnons? Qui est-ce qui vivait la révélation, qui entendait le messager d'Allah, qui accompagnait, qui vivait avec le prophète sallam? Les sahaba, les compagnons du prophète sallam. Personne peut comprendre les textes et comprendre mieux le prophète sallam si ce n'est ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهذا في كل زمان ومكان, à chaque époque. Donc ça c'est très important. Regardez ce hadith là, si vous regardez le hadith qu'on a cité. Ce hadith là concernant halak ummati fil kitab wal laban. L'égarement de la nation se trouve dans le livre et al-laban. Laban connu, le lait fermenté. On avait expliqué cela dans le khutbah. Certains savants disent, par exemple, le récit, certains considèrent que le récit est faible. Et donc, si vous faites des recherches sur le hadith, donc là, est-ce que le hadith est authentique? Est-ce que le hadith ne remonte pas jusqu'au prophète? Ça, c'est important. Pour faire des recherches, pour l'attribuer au prophète, il faut avoir justement la compréhension et des notions dans cela. Et Cheikh Al-Albani, justement, lui, le juge bon. Il juge le hadith bon. Alors après des recherches, certains ont dit que la chaîne de transmission, ils ne la voient pas authentique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Ibn Rahi'a. C'était un grand imam et un grand rapporteur. Filam al-Hadith. Et vous le trouvez dans de nombreuses chaînes de transmission. Sauf que beaucoup de savants disent qu'il était faible. C'est un rapporteur faible. À savoir que, à la base, cet imam, à un moment donné, tous ses livres ont été brûlés. Et à un moment donné, il a atteint un âge qu'on appelle, il a été touché par ce qu'on appelle l'ikhtilat. Il a commencé à mélanger les informations. Et les informations sont devenues confuses. Et certaines personnes arrivent à un âge, ça peut leur arriver. C'est pour cela que les savants observent cela. Et des rapporteurs, parfois, ça leur est arrivé qu'ils arrivent à un âge avancé, ils ont commencé à mélanger les informations au niveau des transmetteurs, des chaînes de transmission. De là, le rapporteur sera jugé faible s'il a été touché par l'ikhtilat ou autre chose, comme c'est rapporté de Ibn Rahi'a. Sauf que de grands savants spécialistes dans le domaine, en l'occurrence l'auteur de Sifat Salat al-Nabi, Cheikh Al-Albani, il dit que ce hadith-là qu'on a mentionné, Ibn Rahi'a le transmet, le rapporte avant la période où ses livres ont été brûlés et où il a été touché par l'ikhtilat. Et là, les savants sont d'accord pour dire ce qu'il rapporte avant est accepté. Ce qu'il rapporte avant, cela est accepté. Celui, par exemple, qui ne fait pas ses recherches approfondies. Ensuite, comment est-ce que Cheikh Al-Albani a trouvé que ce hadith-là, c'est un hadith parmi les récits et les narrations que Ibn Rahi'a rapporte avant que ses livres ont été brûlés, avant qu'il soit touché par l'ikhtilat? Comment ça, c'est des recherches? Ça, c'est des recherches minutieuses qu'il a fait, et lui ensuite a trouvé que ce hadith-là, c'est avant. Celui qui approfondit pas, qui creuse pas, alors un hadith qui peut être jugé bon, avec une chaîne d'une transmission bonne, en général, beaucoup de talabat al-ilm, c'est connu, soit dans différents pays, beaucoup de talabat al-ilm qui sont dans l'ilm al-hadith, se précipitent, que ce soit dans al-tasrih ou dans al-tada'if. Et il leur manque. Pour faire tasrih ou tada'if, il faut vraiment être spécialisé dans cela. Et parfois, il manque des informations. Or, l'ulama al-kibar, les grands savants qui ont vraiment une expérience et de longues, longues recherches et années dans le domaine, eux ont ces éléments-là. De sorte de, à la fin, conclusion, le hadith, c'est pour ça que beaucoup de savants le jugent jayyid. Isnaduhu jayyid par rapport à sa recherche. Donc, il faut jamais se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter. Il ne faut jamais penser qu'on comprend mieux que les ulama et que les savants. Pourquoi ? Parce que la personne, moins il connaît, moins il a de connaissances, que ce soit de la langue arabe, une maîtrise du Coran, une maîtrise du hadith, moins il connaît, plus il pense connaître. C'est ça là, la difficulté. C'est-à-dire que plus on est ignorant, plus on pense connaître. Plus on connaît, plus on se rend compte de notre ignorance. Parce que plus on apprend, plus on sait que l'ilm, c'est un bahr, c'est un océan. Vous savez, il y en a beaucoup, on le dit sincèrement, et même nous on est dedans. On a lu 2-3 livres sur l'aqidah, on pense qu'on connaît l'aqidah des salaf. Alors qu'on est très loin d'avoir compris l'aqidah des salaf. Très peu de gens ont suivi le cursus et appris tous les livres et ulum al-aqida, dans les sciences de l'aqida par exemple. Donc on a différents domaines, ilm al-hadith, ilm al-fiqh, ilm al-usul, usul al-tafsir, علم العقيدة أصول الإيمان qui était appelé à l'époque الفقه الأكبر ou bien أصول الإيمان. Ça, ça demande un cursus. Alors, moi, on va apprendre, lorsqu'on est dans une phase de débuter, on est débutant, on va penser qu'on connaît. C'est pour ça que de grands savants, ils disent dans l'ilm, dans la science, il y a trois marches. Lorsqu'on est dans la première marche, lorsqu'on commence, ce chemin fait ta'allum ou tafaqquh fi din, on prend la première marche. La première marche, c'est quoi? La première étape, on va commencer à apprendre. Et là, on pense qu'on connaît mieux que tout le monde. Et on est prêt à débattre avec tout le monde. Hatta ma'al ulama ou al mashayikh. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i, il dit, j'ai débattu avec des ignorants, ils m'ont vaincu. Alors que j'ai débattu avec des savants et je les ai vaincus. Le ignorant, tu ne peux pas débattre avec lui. Tu ne peux pas parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre ta langue. Si tu parles avec science et savoir, lui n'a pas la langue du savoir. Lui, il a quelques informations qu'il a pris un peu par là, sans que ce soit une maîtrise, sans qu'il ait suivi un cursus, il pense maîtriser. Si à l'époque de Abdallah ibn Abbas, imaginez-vous, à l'époque de Abdallah ibn Abbas, c'est l'époque des compagnons. Abdallah ibn Abbas, vous savez, c'était aussi bien le cousin du prophète, donc il avait un lien de parenté. C'est le fils de Al-Abbas. Al-Abbas, l'oncle du prophète. Et Al-Abbas fait partie des oncles du prophète qui se sont convertis, qui ont embrassé l'islam et cru au message du prophète. Abdallah ibn Abbas donc avait un lien de parenté. C'était le cousin paternel du prophète. Le prophète a invoqué pour lui. A invoqué qu'Allah azzawajal lui donne la compréhension du livre, du kitab, du Qur'an. Et vous savez que l'invocation du prophète est exaucée, est mustajab. Et Abdallah ibn Abbas devint l'une des plus grandes références dans la science de l'interprétation du Coran. Jusqu'à ce que, imaginez-vous, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, le deuxième calife de l'islam, Al-Farouq, il faisait prévaloir l'avis de Abdallah ibn Abbas. Et lorsqu'il y avait des versets ou des passages du Coran, il revenait à Abdallah ibn Abbas, qui était un jeune compagnon. Il revenait à l'avis et à l'interprétation de Abdallah ibn Abbas. C'est qui? C'est Omar, radiallahu ta'ala an. Plus tard, lamma zahara al-Khawarij, lorsqu'on s'est apparu Al-Khawarij, des milliers de gens qui n'ont pas vécu à l'époque du prophète, mais ils ont vécu à l'époque des compagnons du prophète. Imaginez-vous qu'ils ont pensé que les compagnons du prophète ne pratiquaient pas l'islam comme il se doit. Parce que kaffaru ashab al-Nabi, ils ont jugé les compagnons du prophète comme étant mécréants. Ils les ont excommuniés de l'islam. Donc ça veut dire qu'ils, pour eux, après la mort du prophète, ils ont apostasié. Et ils ont trahi le message du messager d'Allah. Alors que Haoula, alors que eux, n'ont pas connu le prophète. Ils n'ont pas appris auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont à l'époque des compagnons, des disciples, les élèves du messager d'Allah. Et eux, ils ont pensé qu'ils comprenaient la religion, qu'ils comprenaient la parole d'Allah azzawajal mieux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Abdallah ibn Abbas va débattre avec eux, c'est ce qu'il leur dira. Les compagnons du prophète sont toujours vivants. Subhanallah. Nous, pour nous, ça peut sembler ajib, très étonnant, de se dire, on est à l'époque des compagnons, comment remettre en cause la parole des compagnons? Alors que nous, près de 15 siècles après, on se réfère aux compagnons. Donc c'est ajib, c'est l'ajab le ujab. On se dit, c'est pas possible, ça a vraiment existé. NRM s'est authentifié, ça a vraiment existé. Jusqu'à que ces gens ont combattu les compagnons. Wa qatalu Ali. Qatalu Uthman ibn Affan. Imaginez-vous, c'était des gens qui disaient la ilaha illallah. Ils ont excommunié Uthman, l'homme aux deux lumières. Ibn Affan, si vous lisez l'histoire de Maqtel Uthman ibn Affan, vous allez laisser des larmes. C'est le troisième calife, lorsqu'on dit troisième calife de l'islam, troisième meilleur homme de la nation. Qatalou, il était à un âge avancé, il était âgé, Il était chez lui en train de lire le Coran. Ils l'ont attrapé par sa barbe. L'un qui l'a attrapé par sa barbe, alors que c'était un vieil homme, Uthman lui a dit, ton père respectait cette barbe. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont tué devant son épouse. Et son épouse a essayé de l'aider. Et même envers son épouse, ils n'ont pas eu de miséricorde. Et aucun respect. Waqatal Uthman, l'homme aux deux lumières, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait marié deux de ses filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que même les anges avaient honte, tellement que c'était un homme pudique. Qatalo. Et eux, à l'époque, pensaient être dans la vérité. Et que c'est l'islam. Et que c'est l'islam. Alors si ça s'est produit à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, qatale Ali. Putain, ensuite, ils vont assassiner Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam. Or, le prophète sallam nous dit, comment on peut penser que les quatre califes n'étaient pas dans la droiture et la vérité, alors que le prophète dit, wa innahu man ya'ish minkum fasira ikhtilafan kathira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidi al-mahdiyin, tamassaku biha. Celui qui vivra d'entre vous verra de nombreuses divergences. Alaykum bisunnati. Le prophète dit, à vous ma sunna. Accrochez-vous bien, attachez-vous bien ma sunna. Et, pas seulement, il dit, à la sunna des quatre califes bien guidés. Le prophète les appelle les quatre califes bien guidés. Pour ça, dans le poème, il est dit, حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل. Les compagnons, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par l'amour des compagnons du prophète. Mais à l'époque, ils ont pensé qu'ils comprenaient la religion mieux que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains avaient apostasié. Alors si on comprend cela, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est normal, parce que ce n'est pas normal. Mais à plus forte raison, aujourd'hui, des gens penseront que les ulamas comprennent mal la religion et qu'eux comprennent mieux que les ulamas. Et si kafar les ulamas, et s'ils pensent que les ulamas, ce sont des savants des sultans, des savants des rois, des savants qui marchent qu'avec leurs intérêts et qui disent pas la vérité, c'est normal. Puisqu'ils l'ont dit à l'époque des compagnons. Ils vont pas épargner les savants de notre époque. C'est pour cela, il faut pas penser, avant bien d'avoir étudié bien le livre de notre Créateur, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut pas se sortir à l'abri et penser que nous-mêmes on comprend mieux que tout le monde. Ça, c'est l'un des pièges et des ruses d'Iblis. Ils rusent. Beaucoup de gens ont pensé ça. Fahalaku, ils ont péri. Iyakum wal ghulu. Le prophète sallam disait, attention à l'exagération. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Parce que ceux qui étaient avant vous, les communautés d'avant, ils ont péri à cause de quoi? Al ghulu, l'exagération dans la religion. Et Shaitan t'avancera, t'exposera certaines questions, tu seras sûr que tu as raison. Comme à l'époque de Khawarij, j'étais sûr d'avoir raison. Mais ils se sont trompés. Ay na'am. Ma qatalu Abdallah ibn Khabbab. Abdallah ibn Khabbab. Qatalu wa qatalu zawjata. Fi at-tariq. Subhanallah. Wa fatahu batn zawjati. وكانت حامل سبحان الله عبد الله بن خباب الصحابي الجليل إذن نواصل صلوا كما رأيتموني أصلي pour la prière aussi beaucoup de gens pensent qu'ils prient bien et beaucoup de gens nous diront vous apprenez les gestes de la prière, puisque là on va apprendre les détails, on va essayer de rentrer dans les détails de la prière du prophète, comment il levait les mains, comment il posait les mains, qu'est-ce qu'il disait, on va rentrer dans les détails. Vous savez que certains, certains, ça les irrite. Lorsqu'on parle des détails de la prière, ils disent « Subhanallah, il y a des sujets plus importants, ils nous parlent de la prière. » Qu'est-ce qu'on fait 5 fois par jour au minimum? C'est la prière. Quelle est la chose dont on sera jugé? La première chose au niveau des actes, au niveau des adorations. C'est la première chose dont on rendra des comptes, c'est la prière. Ensuite, la vie d'un tel ou tel sujet, moi je ne serai pas interrogé sur cela. On ne sera pas interrogé sur cela. Première chose qu'on sera interrogé, c'est sur as-salah, la prière. Certains n'ont pas de pudeur. Certains, comment peuvent-ils se regarder dans un miroir lorsqu'ils n'arrivent pas à faire salat al-fajr à l'heure, prier la prière de l'aube à l'heure? Vous voyez, tekallamouna, et ils parlent, et ils jugent constamment. Ils parlent sur al-ulama ou al-mashir et sur les gens de la nation. Comment on peut se regarder dans le miroir? Comment la personne peut se croire alors qu'il n'arrive pas à faire ses prières à l'heure? Il n'arrive pas à faire salat al-fajr. Vous savez, là à l'époque on dit salat al-fajr, mais dans les premières générations, si déjà les gens ne se réveillaient pas pour la prière nocturne, ils n'étaient pas considérés. Le rappel, nous, c'est Salat al-Fajr. Mais dans les premières générations, ils faisaient le rappel sur Salat al-Fajr, c'était normal. De faire Salat al-Fajr, c'était un acquis pour les gens. Mais ils appelaient les gens à Salat al-Layl, la prière de la nuit. Nous, déjà, on s'appelle, déjà, on s'exhorte à la prière de al-Fajr. Ensuite, celui qui, dans cette époque, se lève la nuit, Masha'Allah. Masha'Allah. Comment une personne qui n'arrive pas à se réveiller la nuit, il n'arrive pas à faire Salat al-Fajr, il pense qu'il est mieux qu'autrui. Il pense qu'il est mieux que ceux qui ont donné toute leur vie dans la recherche des hadiths du prophète, dans le service. Fi khidmati sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans les compréhensions du livre. Il faut qu'à un moment donné, la personne se respecte. Alors regardez, et là vous allez bien comprendre. Regardez, les ulama, tous les sujets, ils les ont approfondis. Nous, ce qu'on va approfondir, le sujet de la prière, as-salah, jusqu'à ce qu'on puisse prier comme le prophète as-salam priait. Et donc celui qui arrive à apprendre cela, ensuite qu'il enseigne à ses proches, kayfiyat as-salah, comment prier, al-ajru huwa azim, la récompense elle est immense. La récompense elle est immense d'apprendre à prier comme le prophète as-salam priait. Regardez, dans le hadith, sallu kama ra'aytumuni أصلي قال المصنف عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Et subhanallah, ce qui est pertinent, dans une version du récit, écoutez bien. L'histoire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » An Abi Qilaba, un homme qui s'appelait Abu Qilaba, il dit « Haddathana Malik. » Haddathana Malik. Il dit que Malik nous a rapporté, raconté. « Qala, atayna ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. » L'homme dit « Nous sommes venus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, nous étions des jeunes. Donc c'est des jeunes gens qui sont restés auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés auprès du prophète, sallallahu alayhi pendant une vingtaine de jours. Pendant une vingtaine de jours. 20 jours et 20 nuits, ils disent. 20 jours et 20 nuits. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفيقا رحيما. Et ils disent que le prophète صلى الله عليه وسلم, regardez ce qu'ils ont retenu, ces 20 jours avec le prophète صلى الله عليه وسلم, ces jeunes, ils ont dit que le prophète, il était clément avec nous, il était bon, رفيقا, il faisait preuve de bonté, il avait de la compassion envers nous, رحيما. Le prophète était bon envers eux. Regardez ce qu'ils vont dire. Jusqu'à ce que le prophète ensuite, après qu'il fut en compagnie de ces jeunes, le prophète avait compris, au bout d'un certain temps, qu'ils étaient avec le prophète, qu'il convoitait, qu'il voulait revenir vers leurs proches, que leurs proches, leur famille, leur manquaient. Leurs proches, leur famille, leur manquaient. Regardez. Lorsque le prophète, regardez, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait, se mettait à la place de l'autre. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait ressenti que ces jeunes, leurs proches leur manquaient. Et ils voulaient revenir vers leurs proches. Alors que eux ne l'ont pas dit. Pourquoi ? Parce que comme c'est stipulé dans le récit, ils disent que فَلَمَّا ظَنَّ, lorsque le prophète a pensé que ces jeunes, leurs proches, leur manquaient, alors le prophète صلى الله عليه وسلم les interrogea à ce sujet et regardez ce que va leur dire le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Regardez, le prophète va leur dire اِرَجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِكُمْ, repartez, allez rejoindre vos proches. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم va leur dire d'aller rejoindre leurs proches. Regardez qu'est-ce qu'il va leur dire le prophète صلى الله عليه وسلم. فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ, restez auprès d'eux et enseignez-leur. وَعَلِّمُوهُمْ, enseignez-leur. Et il va leur dire وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمْ, ordonnez-leur. وَذَكَرَ أَشْيَا أَحْفَظُهَا, et celui qui rapporte l'histoire, il dit, et le prophète ensuite a mentionné des choses. Donc il leur dit, restez avec eux, enseignez-leur, ordonnez-leur le bien. Et il dit, فَذَكَرَ أَشْيَا أَحْفَظُهَا وَأَشْيَا لَا أَحْفَظُهَا. Et il dit, et il y a des choses, d'autres choses que le prophète avait mentionnées, des choses dont je me rappelle, et d'autres choses que je ne me rappelle pas. Vous avez vu, le narrateur, il le dit. Des choses que le prophète a citées qu'il se rappelle, et des choses dont il ne se rappelle pas. Et regardez ce qu'il va dire. أَوْلَا أَحْفَظُهَا. Et ensuite, le prophète aussi va leur dire, lorsqu'il va leur dire de revenir vers leurs proches, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي, et priez comme vous m'avez vu prier. Comme il est rapporté dans l'histoire. Il leur dit, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْ أَكْبَرُكُمْ. Et le prophète dit, et lorsqu'arrive le temps de la prière, que l'un d'entre vous appelle à celle-ci, appelle à la prière, et que celui qui est plus grand, le plus grand, akbarukum, le plus avancé, préside la prière. Vous avez vu, lorsque le prophète Hassan a vu que ces jeunes qui sont restés une vingtaine de jours avec lui, leur famille leur manquait, alors le prophète Hassan les exhorta de revenir vers leurs proches, de rester avec eux, de leur enseigner, et parmi les choses que le prophète leur a dit, de prier comme ils priaient. Et ça, le siyak, le contexte du récit est très important. C'est-à-dire que le prophète Sam accordait une immense importance à la prière. Et al-kayfiyya, de prier comme il priait. Comme on a relaté dans le hadith de celui Moussi as-salah, de celui qui avait mal fait sa prière. Imaginez-vous, on est à l'époque du prophète as-salam. Alors que kana nabi as-salam fi zawiyat al-masjid, fi nahiyat al-masjid, wa dakhala rajulun fi al-masjid. Le prophète est dans un coin de la mosquée, un homme rentre, l'homme prie, réellement, l'homme a fait une prière. Il va, ensuite, il s'approche du prophète, il lui dit « Salam alayka ya Rasulallah ». Le prophète de lui répondre, de dire « Alayka salam, irja fa salli fa innaka lam tu salli ». Repars prier car tu n'as pas prié. Ça, c'est à l'époque du prophète, le prophète était vivant. Et le prophète lui a dit, repars prier car tu n'as pas prié. Quel est notre cas, nous, près de 15 siècles après, à plus forte raison, nous, on est plus à même de mal prier. Des siècles se sont écoulés et sont passés. Donc ça, c'est des leçons qu'on a toujours besoin, ce rappel-là, toujours besoin. Et là, c'est ce récit-là est réconfortant, dans le sens qu'on voit que le prophète Sassam, lorsqu'ils sont revenus vers leur peuple, le prophète Sassam leur a dit, vous allez revenir. Ça, cet enseignement, il faut le prendre. Le prophète, il n'a pas dit, vous allez revenir vers votre peuple, vous allez tous les juger. Non. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Revenez vers votre peuple, wa'allimuhum, enseignez-leur. C'est-à-dire, ce que vous avez appris avec le prophète, enseignez-leur. Et restez auprès d'eux. Wa'aqimu fihim. Le prophète, parmi les choses qu'il leur dit, wa'sallu kama ra'aytumuni, wa'salli. Et priez comme vous m'avez vu, priez. Donc là, la personne qui se dit, on va apprendre les détails de la prière comme on l'a dit précédemment. À quel moment on doit lever les mains? Comment lever les mains? Comment reposer les mains? À quel endroit poser les mains? La personne qui se dit, mais est-ce que vraiment je dois prendre tous ces détails? Cette manière-là, là, le récit nous encourage justement à le faire. Et ne pas penser que c'est perdre de temps. Bien au contraire. Bien au contraire. Ces enseignements-là, on les a hérités de génération en génération. وهذا الحديث جاءت فيه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. Regardez, donc ça c'est, là je vous lis un passage qu'il y a dans la description de la prière de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh. Regardez ce passage-là, je vous le lis, puisqu'à la base on étudie le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, mais je voulais qu'on se fasse un rappel sur l'importance de prier comme le prophète صلى الله عليه وسلم priait. Regardez ce que va dire Cheikh, écoutez bien. ركزوا على هذا الكلام قال والجواب على هذا السؤال قال وهذا الحديث جاءت في كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والسؤال هنا كيف تفهم هذه الكلمة من صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cheikh, il va poser une question. Il dit, il nous est venu dans ce récit donc une parole du prophète. Dans ce récit de ces jeunes qui sont restés une vingtaine de jours avec le prophète, ensuite le prophète leur a dit de revenir vers leur peuple lorsque le prophète a vu que les leurs leur manquaient. Et le prophète donc va dire une parole qu'on a bien mentionnée ici, il va leur dire « Et priez comme vous m'avez vu prier. » Comme vous m'avez vu prier, vous devez prier de cette manière. L'auteur, Shir, pose la question « كيف تفهم هذه الكلمة من صلى الله عليه وسلم ?» Comment on peut comprendre cette parole du prophète lorsqu'il leur dit « Et priez comme vous m'avez vu prier ?» Donc c'est une interrogation, c'est une question. « كيف تفهم ?» Comment on peut comprendre cela ?« El jawabu » على هذا السؤال يفهم إن شاء الله من خلال النقاط التالية التي أبين فيها بعضا من قواعد الاستدلال في كيفية فهم دلالة النصوص الواردة في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez, c'est très pertinent. L'auteur va dire, on peut comprendre cette parole du prophète, c'est-à-dire comment la comprendre. On peut comprendre cela et dit à travers les points que je vais évoquer. C'est-à-dire que Cheikh ici, il va évoquer certains points. Ces points, c'est quoi? Regardez ce qu'il dit. Allati ubayyinu fiha. Qu'est-ce qu'il va clarifier à travers ces points, Cheikh? C'est très important. Pourquoi? Parce que pour comprendre, justement, bien la parole du prophète, priez comme vous m'avez vu prier, il dit, vous allez comprendre à travers l'évocation de certains points. Mais quels sont ces points? Il dit, allati ubayyinu fiha bard. Il va évoquer certaines règles de la déduction. Ce qu'on appelle l'istidlal. Comment on déduit? Comment on extrait les enseignements à travers les textes? L'istidlal. Donc, Cheikh, il va mentionner بعض من قواعد الاستدلال في كيفية فهم دلالة النصوص. Sur le comment comprendre les indications qu'il y a dans les textes. Les indications qu'il y a dans les textes. Wa hada ilm, on avait déjà mentionné la pertinence du propos qu'il y a dans Shir Abdal al-Bassam dans son commentaire de Bulugh al-Maram dans l'introduction. Le commentaire qu'on appelle Tawdih al-Ahkam. Dans le premier volume, il mentionne que pour pouvoir mettre en lumière des enseignements qu'il y a à travers les hadiths du prophète, on a besoin de quatre sciences. L'auteur ne va pas mentionner la langue arabe parce que la maîtrise de la langue arabe, que ce soit la grammaire, la conjugaison, l'éloquence, la rhétorique, le balara et autres, ça Ça doit être acquis. Sinon, comment on peut apprendre la religion? Il y a des gens qui font Talabelaim en français. Il y a Dros al-Aqida en français. Ils apprennent le dogme, la croyance, en français. Ajib. Ils veulent s'approfondir dans le tafsir en français. Ils veulent étudier Ilm al-Hadith en français. Ajib. Al-Muhim, la langue arabe doit être, ça doit être quelque chose d'acquis. Les grands savants disent que pour pouvoir extraire des enseignements à travers des hadiths du prophète, c'est-à-dire on lit un hadith du prophète, comme là par exemple, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous avez prié. C'est une parole du prophète. Comment extraire les enseignements qu'il y a dans ce récit? On a besoin de quatre sciences. On avait déjà relaté. Mustalah al-hadith. Qawa'id al-fiqhiyya. Usul al-fiqh. Wa maqasid al-shari'a. Ce sont quatre domaines, quatre sciences. On doit étudier, s'approfondir dans ce qu'on appelle mustalah al-hadith, la terminologie du hadith. On doit étudier qawa'id al-fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. On doit étudier usul al-fiqh, les fondamentaux, les bases de la jurisprudence. C'est une science. Et ensuite, on doit étudier une science qui s'appelle maqasid al-shari'a, le voulu à travers la législation. Ça, c'est des sciences. Quatre sciences. Mustalah hadith, parce que la terminologie du hadith, on peut pas étudier un hadith si déjà on ne connaît pas le degré du récit. Si on n'arrive pas à distinguer entre un hadith qui remonte véritablement au prophète, qui est authentique, ou bien un hadith qui est faible. Qawaid al-fiqhiyya. Donc, il y a des règles. Après, lorsqu'on a une maîtrise de ces sciences-là, là, on peut commencer à faire ce qu'on appelle, les savants appellent ça al-istinbat. Istinbat al-nusus. Mettre en lumière les enseignements qu'il y a à travers les textes. Là, regardez ce qu'il va dire. Il dit allati ubayyinu fiha ba'd min qawa'id al-istidlal fi kayfiyati fahm dilalat an-nusus al-waridati fi sifat salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, Cheikh, il veut qu'on comprenne, qu'on mette en exergue certaines déductions liées à des textes. Mais c'est des textes précis. Lui, Cheikh, il va mentionner des textes liés à la description de la prière. Comment on déduit des textes liés à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, vous allez voir, on va apprendre des hadiths où il y a la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths-là où que la prière du prophète nous est décrite. Comment déduire les enseignements? Comment les comprendre, ces enseignements-là? Cheikh, il va mentionner des règles. Des règles à bien comprendre. Des règles à bien comprendre. Et vous savez, dans l'apprentissage de la religion, plus on va suivre une bonne méthodologie, une méthodologie que les grands savants enseignent, plus l'étudiant ou le croyant qui veut comprendre cette religion, eh ben, mieux il va la comprendre. Et mieux il va apprendre. Tandis que si on ne suit pas une bonne méthodologie, la personne va perdre des années et des années et des années. Et il verra avec les années qu'il n'avancera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Alors, il va commencer par étudier telle science, ensuite il va s'éparpiller dans telle science. Au bout d'un grand nombre d'années, après une décennie, pour le meilleur d'entre eux, qui poursuit une décennie, au bout de plus de 10 ans, il se rend compte qu'il n'a pas terminé un livre. Il a commencé par tel livre, il n'a pas terminé. Il s'éparpille, il va dans un autre domaine, il n'a pas terminé. Il étudie la moitié d'un livre dans le dogme, dans la croyance, il pense que ça y est. Fahim al-Aqida wa al-Tawahid, qu'il a compris le domaine de l'unicité. Il va essayer d'étudier un peu le fiqh. Mais il voit que c'est long. Fiqh al-Ibadat, fiqh al-Mu'amalat. Déjà, si tu termines fiqh al-Ibadat, tu dois commencer de la Tahara ila Ahkam al-Hajj. Tu dois maîtriser tout de la Tahara, la purification, le domaine de la prière, toutes les règles, et le domaine de la prière, ensuite il y a différents sujets, la prière du Eid, la prière de l'éclipse, la prière de l'janaza, la prière en communauté, en groupe, tous ces sujets-là. Tu dois ensuite maîtriser zakat el-mal, la zakat de l'or, la zakat de l'argent, la zakat des bestiaux, la zakat du commerce, tout cela maîtriser, le hajj ou l'umra, maîtriser toutes les questions relatives au hajj ou l'umra, des questions anciennes qui ont été posées, des questions contemporaines qui sont nouvelles. Donc déjà, tout ça, on est dans fiqh al-mu'amalat. Ensuite, tu as fiqh al-ibadat, ça c'est le domaine de la jurisprudence liée aux adorations. Ensuite, tu as fiqh al-mu'amalat. savez, certains savants, ils disent, si vous voulez tester une personne, si vraiment il est connaisseur, et il est connaisseur, il a de la science dans la jurisprudence, testez-le, fait faire que le mu'amalat. Testez-le dans la jurisprudence liée au mu'amalat. Parce que très peu, ils sont parvenus. Puisqu'ils n'ont pas fini, fiqh al-ibadat. Et fiqh al-mu'amalat, c'est quoi? Le domaine du mariage, le domaine du divorce, le commerce, les transactions commerciales, toutes les sortes de commerce, etc. Le chapitre est, ce domaine-là est long. Surtout lorsque la personne ensuite, il va se rendre compte qu'il étudie le fiqh, mais là, il est en train d'étudier le fiqh auprès de savants qui sont d'obédience, de telle et telle obédience. Sauf qu'ensuite, il y a d'autres écoles. Et ensuite, à travers les différents avis de ces écoles, il faut voir quel est l'avis le plus juste, faire ce qu'on appelle at-tarjih. Et donc ça demande des années. C'est pour cela que la personne, lorsqu'il va commencer à mettre le pied, comprendre que ça va prendre du temps. La personne qui va commencer là, il va se rendre compte du sujet, il va dire, ou surtout lorsqu'il va voir le programme que les savants donnent, si tu veux maîtriser juste une école, les livres qu'il faudra apprendre, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un autre domaine. C'est pour ça que certains disent, moi je suis spécialiste du tawhid. Il va commencer à lire un livre du tawhid. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils enseignent le tawhid. Ils enseignent l'aqidah. Ça fait combien de temps qu'il apprend l'aqidah? Il a étudié combien de livres? Ça fait quelques temps. Il a étudié même pas un livre en entier. Parfois, il a étudié juste un livre. Il ne l'a pas étudié auprès de savants. Et il dit, je suis un enseignant. Et il enseigne aux gens. Il corrige le ulama ou le mashayikh et les savants. Et c'est pour ça que certains se sont éparpillés. Ils commencent à lire un livre, ils ne terminent pas. Ensuite, ils vont dans un autre livre, ils ne le terminent pas. Ensuite, ils commencent un domaine, ils ne le terminent pas. Ils veulent étudier le fiqh, ils n'ont pas étudié usul wa qawaid al-fiqhiyya. Ils veulent faire des déductions de textes, mais ils n'ont pas une maîtrise dans la langue arabe. Ils veulent déduire du Coran, mais ils ne savent pas véritablement lire le Coran. Vous avez vu? Donc ça demande de l'apprentissage. Allez, regardez, on revient à la parole du Shir. Le Shir dit الجواب على هذا السؤال يفهم إن شاء الله تعالى من خلال النقاط التالية التي أبين فيها بعض من قواعد الاستدلال في كيفية فهم دلالة النصوص الواردة في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولى المنقول إلينا في حكاية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هو بيان لقوله تعالى وأقيم الصلاة. والقاعدة الأصولية تنص على أن ما كان من أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا للكتاب فهو متمم له ويكون حكم فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحكم ما بينه. Ça c'est une première règle. Là, donc là, Cheikh, il nous évoque, je voulais vous faire partager parce que c'est très pertinent. Ces règles-là que va mentionner l'auteur, Cheikh ici, dans la déduction concernant la manière de déduire des textes qui seront liés à la description de la prière du prophète. Il dit première chose, Al-Oula. Al-Manqulu ilayna fi hikayati af'al Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous a été transmis. Écoutez bien ce qu'il va dire. Première chose, ce qui nous a été transmis, ce qui nous a été narré concernant les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Concernant la gestuelle, concernant les actes du prophète salat. Innama huwa bayanu. En réalité, il dit, c'est une clarification liée à la parole d'Allah subhanahu wa aqimu salat. Et accomplissez la prière. Regardez. Dans le Coran, on a des versets où Allah azzawajal nous ordonne de prier. Il nous dit wa aqimu salat. Et accomplissez la prière. Accomplissez la prière. L'auteur nous enseigne que, en fait, tout ce qui nous a été transmis parmi les récits concernant la description, alaykoum salam, la description de la prière du prophète, parmi les gestes. Par exemple, ce qui nous est rapporté sur la manière de lever les mains dans la prière. On a dit que l'on commence la prière bit takbir, en disant Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Ensuite, la manière dont on lève les mains, ce qui nous est rapporté du prophète, on peut dire, on peut lever les mains avant de dire Allahu Akbar pendant, on a dit, ou bien après. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد. Juste en quelques minutes, on termine juste ce point-là, vous allez voir qu'il y a une très très belle faïda. Cheikh, il est en train de nous enseigner une très belle faïda. Il dit ce qu'il faut comprendre. Ce qui nous est rapporté des récits sur la description de la prière du prophète, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait salati, kana yaf'al kada wa kada. Ces récits-là, en fait, clarifient, expliquent la parole de notre Créateur, les versets du Coran, lorsqu'il nous dit « Wa aqimu salat »« Wa aqimu » As-salah, et accomplissez la prière. L'ordre, le commandement de notre Créateur concernant la prière et accomplissez la prière, le cheikh nous explique que tout ce qui nous sera rapporté du prophète sallam concernant la prière, la description et les faits et gestes de la prière du prophète sallam, ces actions-là, font partie de l'ordre wa aqimu as-salah. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'il dit. Fal aslu anna jami'i af'alihi sallallahu alayhi wa sallam al-manqulatun ilayna fi bayan kayfiyyat as-salah wajibatun kadhalik. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Parce qu'il dit al-qa'idatu al-usuliyya tanussu ala anna ma kana min af'al ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bayanan lil-kitab fa huwa mutammimun lahu. C'est-à-dire que la première règle qu'on apprend et que tout ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme fait concernant sa prière complète et explique les versets du Coran. Explique les versets du Coran. En l'occurrence ici, les versets concernant la prière, wa aqimus salah, et accomplissez la prière. De sorte que regardez ce que l'auteur nous dit. Falamma kanat as-salatu wajiba. Du fait que la prière est obligatoire, il n'y a pas de doute que lorsqu'Allah Azzawajal nous ordonne de faire la prière, wa aqimu salah, et regardez l'enseignement qu'il va y avoir. Là, on est dans aim al-istidlal. On est dans la science de la déduction. Lorsque Allah nous dit wa aqimu salah, ça veut dire que aqimu salah, ça veut dire que la prière est wajiba ou mustahabba. Wajiba. Wa aqimu salah. Fi'lun amr. C'est un amr. Donc il n'y a pas de doute. Bila khilaf. Et il n'y a pas de divergence. Lorsqu'Allah nous dit wa aqimu salah, fahada fi'lun amr. Amarana Allahu jalla wa ala bi fi'l wa bi iqamati as-salah. Donc on voit que dans le verset wa aqimu salah, la prière est une obligation. Regardez ce que dit Shir. Il dit وَلَمَّ كَانَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً. Regardez ce qu'il va dire. فَالْأَصْلُ أَنَّ جَمِيعِ أَفْعَالِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ الْمَنْقُولَةَ إِلَيْنَا فِي بَيَانِ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ كَذَلِكَ. سبحان الله. وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Si la prière est une obligation, alors il dit, ça veut dire que tout ce qui nous a été rapporté du prophète sallam concernant la prière, c'est une obligation. Al-asl. Regardez ce qu'il dit. Wa'id al-kalam. فَلَمَّا كَانَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً فَالْأَصْلُ أَنَّ جَمِيعِ أَفْعَالِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْقُولَةَ إِلَيْنَا فِي بَيَانِ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ كَذَلِكَ لِأَنَّ بَيَانَ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une chose clarifie l'obligation, celle-ci est obligatoire. صح ولا لا ? Regardez. Lorsqu'il nous est rapporté la description de la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète, ici, nous enseigne la compréhension de l'ordre divin. وَاقِيمُ الصَّلَةِ. Et accomplissez la prière. Le prophète Hassan nous l'enseigne. Tout ça, c'est tiré du hadith صَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ وَصَلِّ. صَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ وَصَلِّ. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, la description de la prière qui nous est rapportée du prophète, elle, تُبَيِّن l'ordre qu'il y a dans le Coran. Donc, si la prière est obligatoire, ce qui nous est rapporté de la prière du prophète est obligatoire. Ma lam ya'ti, tant que l'auteur dit wa akkada hada qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli wa dhalika ma lam ta'ti qarinatun sarifatun 'an al-wujub. Et cela tant qu'il n'y a pas un indice, un élément qui prouve que ce qui nous est rapporté n'est pas obligatoire. Qui prouve que ce qui nous est rapporté n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce qui nous est rapporté de la prière du prophète, en somme, c'est une obligation. Parce que ça vient expliquer, clarifier le sens, wa aqimus salah, l'ordre qu'il y a dans le Coran. Wa hada awla min al-qawl, inna kulla ma ja'a an Malik ibn al-Huwayrith, fi sifati salatihi, wa an ahadin min rafiqati mahmul ala al-wujub, hatta yatabayyana khilafuh. Et Sheikh, regardez ce qu'il dit. Il dit, wa hada al-qawl awla min al-qawl. Et ça, c'est préférable de dire de cette manière. Aula min al-qawl, inna kullama ja'a an Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith, vous savez, c'est le compagnon, c'est un compagnon que l'imam muslim, il y a beaucoup de récits qui sont rapportés de Malik ibn al-Huwayrith. Et Malik ibn al-Huwayrith rapporte beaucoup de choses de la prière du prophète, sallam. Regardez, par exemple, on a dit lorsqu'on lève les mains et on commence takbirat al-ihram, on dit Allahu Akbar. À quel moment on lève les mains? Est-ce qu'on lève les mains en disant Allahu Akbar en même temps Allahu Akbar, ou on peut lever les mains, on dit d'abord Allahu Akbar, ensuite on lève les mains, ou on lève là-bas les mains, on fait Allahu Akbar, on lève les mains avant? Les ulama, ils disent les trois sont rapportés. C'est-à-dire c'est rapporté du prophète. On peut lever les mains avant de dire Allahu Akbar, on peut lever les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar, et on peut lever les mains après avoir dit Allahu Akbar. Hada li takbirat al-ihram. Ça, c'est pour le premier takbir de l'ihram. Parce que raf al-yad laysa bi wajib, sunnah. Mais rukn al-wajib, c'est at-takbir. Celui qui n'a pas levé les mains, mais il a dit Allahu Akbar, par exemple, il fait comme ça, Allahu Akbar, dakhala fi salah. Tant qu'il a fait l'intention de rentrer dans la prière. Mais s'il lève les mains, il fait comme ça. Par exemple, imam, yabda salah, il fait. On dit, Yachir, l'aim tu kabbir. Il dit, non, c'est dans mon cœur. Je kabbar dans mon cœur. Fil qalb. On dit, là. Il faut que. Il dit, mais j'ai levé les mains. Il dit, si j'ai levé les mains, ça veut dire que je l'ai dit dans mon cœur. On dit, là, il n'est pas rentré dans la prière. Il n'y a pas de prière. L'aim yatrul fil salah. Il n'est pas rentré dans la prière. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la prière, il doit dire Allahu Akbar. On a dépassé le temps. Classe. Nous, c'est le kalam fait. يوم غدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.